en remplacement de Jacques Beauchamp, ici Alain Crevier. Aujourd'hui, l'histoire des bouts de tissu qui ont l'effet d'une bombe, le bikini. Je me souviens, moi, j'étais allée aux États-Unis, à Cape May, dans les années 66-68, et j'avais mis mon deux pièces, qui étaient très décents, et sur la plage, le lifeguard était venu me dire d'aller m'habiller plus décemment. La pudeur américaine. C'était Dominique Michel qui racontait ce qu'elle a vécu sur une plage américaine. Elle était interviewée à l'émission Présent Dimanche. C'était en 1984. Ça fait un peu plus de 30 ans de ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, le bikini a fait scandale. Ça a soulevé de chaudes discussions chez nous, mais aussi ailleurs. Ça peut peut-être vous paraître comme un sujet léger, mais vous allez voir, c'est un sujet extrêmement intéressant parce que le bikini, c'est terriblement révélateur. Mon bikini, ma brosse à dents. J'attends le soleil, l'été, ça dure tout le temps. Je prends l'avion pour le beau temps. La plongée de l'omelette, je trempe les dents. Mon bikini, ma brosse à dents. Je vais la corbeille, pousser mes sous la dent. 14 soleils, c'est suffisant. Oui, ma. Pas problème. Oui. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Mon bikini, ma brosse à dents, ça remonte à 1972. C'était une publicité d'Air Canada et on peut s'entendre sur une chose. C'était quasiment audacieux à l'époque, cette histoire-là, parce que le bikini faisait pas tout à fait l'unanimité. L'histoire du bikini, on s'en doute, hein, c'est pas uniquement l'histoire de bouts de tissu. C'est tout à coup nos valeurs, nos sociétés occidentales et même nos mœurs qui sont bousculées. Et pour parler de bikini avec nous, Laurent Turcot, il est historien et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Laurent. Bonjour. Alors, on pourrait presque dire que cette histoire, c'est un attentat aux mœurs. Ça ressemble quasiment à une histoire, une affaire d'État, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on portait, coudonc, avant le bikini? Ben, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de se baigner, ce n'est pas neuf. On retrouvait ça sous l'Antiquité, on retrouvait ça au Moyen-Âge. Mais la grande nouveauté, c'est qu'à la fin du 19e siècle, ben là, de plus en plus de gens vont se baigner. On va se baigner pour le loisir, bien sûr, et pour le sport. Et parce qu'on expose son corps face aux autres, ben, on va voir une espèce d'économie de la pudeur qui va être reconfigurée. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus décent pour les hommes comme pour les femmes de montrer des bouts de peau. Des bouts, là. Oui, entendons-nous, parce que les femmes qui, au 19e siècle, vont dans les stations balnéaires du nord de la France ou du sud de l'Angleterre, vont porter l'équivalent de robes de soirée pour entrer dans l'eau. Quand je dis entrer dans l'eau, c'est qu'on les mettait dans des espèces de cabines tirées par les chevaux, et ce sont les chevaux qui entraient dans l'eau et qui faisaient que les corps étaient immergés. Des cabines qui vont dans l'eau. Oui, tout à fait. C'était le modèle de l'époque. Mais tout ça va changer, bien sûr, parce qu'à la fin du 19e siècle, là, il est de bon ton de s'exposer. Il est de bon ton de profiter du soleil. On va même parler d'héliothérapie, c'est-à-dire le soleil qui devient un médicament en soi. Et là, reconfiguration, comme je vous disais, on montre la peau, le règne de la peau est souveraine. On la voit au musical, au théâtre, au cinéma bientôt avec le début du 20e siècle. Il y a une permissivité passagère qui est un petit peu partout, qui flotte dans la société. Ce qui fait que les maillots qui sont portés vont réduire de plus en plus. On va montrer les formes, des tissus qui épousent un peu plus les seins pour les femmes, qui montrent les cuisses, mais là, entendons-nous, il y en a même qui vont aller jusqu'à porter des deux pièces, c'est-à-dire des maillots deux pièces, mais entendons-nous, ce sont des culottes qui ne permettent pas de voir le nombril, parce que à partir des années... Cacher ce nombril qu'on ne saurait voir. Et à partir des années 1930, on va avoir ce qu'on appelle le code Hays, et ça, c'est aux États-Unis, c'est un ensemble de règles pour déterminer la manière dont on doit se comporter à l'écran, et ça va bientôt... irriguer le reste de la société, ce qui fait qu'on ne doit pas montrer un certain nombre de peaux, et notamment le nombril. La publicité, les cartes postales, tout ça va aussi changer les mœurs, ce qui fait que les maillots de bain, eux, vont s'adapter. Et on a parlé de sport tout à l'heure. Bien sûr, vous le savez, quand on nage avec un tissu qui est très laineux, qui absorbe l'eau... Allô, la compétitivité? Oui, ben c'est pas véritablement idéal. Et là, les Jeux olympiques arrivent, le sport professionnel, pour les hommes comme pour les femmes, rappelons-le. Donc, toujours le besoin d'avoir des tissus les plus efficaces possible. Et un autre des éléments qui se développe, c'est le rapport au bronzage. Vous et moi, aujourd'hui, quand on arrive avec un beau teint hâlé, on dit « Ah, mon Dieu, c'est la santé! » Oui, mais justement, on commence à avoir des doutes, à dire « Mon Dieu, il a oublié de mettre de la crème! » c'est plus comme ça a déjà été, mais vous avez raison que pendant un long moment, Mon Dieu, il a donc l'air bien parce qu'il bronzait. Oui, on s'entend qu'il y a une limite entre le blanc laiteux, dangereux, malade et le orange de Donald Trump ou du douchebag. C'est cette espèce de milieu qu'il faut trouver, et ce milieu, on va le trouver justement à partir du 20e siècle, dans la mesure où le bronzage n'est plus associé à la roture. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, avant le 19e siècle, c'était les paysans qui étaient dehors. Donc, comme on est dehors, on a la peau tannée par le soleil, et c'est le signe de notre appartenance à une catégorie sociale. Ce qui fait que, quand on était aristocrate, on avait bien sûr la peau blanche, voire les veines bleues qui ressortaient, et c'était une espèce de transparence sociale qui se développait. Mais tout ça va se renverser au 20e siècle. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va l'associer à la santé, on va l'associer au sport, et dorénavant, c'est le bronzage qui doit être partout et que l'on doit voir sur les hommes comme sur les femmes. C'était quasiment ce que vous dites là. C'est quasiment comme si on disait la couleur de la peau a un rapport direct avec la classe sociale. C'est ça que vous dites là? C'est exactement ça. Encore aujourd'hui, pourrait-on dire, c'est la même chose parce qu'il y a toujours le rapport. Ceux qui sont capables de partir en vacances ont un bon teint bronzé. Ouais. Ceux qui ne peuvent pas, qui restent dans la pathologie des miasmes de la ville, ben, ils ont un teint blanc et ils le subissent. Ouais, alors là, on est entré dans le 20e siècle. Et puis, dans le 20e siècle, quelque part, j'imagine qu'on va finir par arriver au Québec. Puis, quand on parle du Québec, dans ces années-là, il y avait quand même l'Église qui était omniprésente, le clergé était omniprésent. C'était pas difficile de voir venir un choc frontal entre religion, pudeur et ce genre de choses-là. Ah ben, complètement. Entendons-nous, c'est qu'on est dans un moment où il y a une chape de plomb sur les corps et les consciences dans la mesure où on ne doit pas se dévêtir, bien sûr, dans l'espace public. On ne doit pas se montrer. On ne doit pas montrer du tout en plus les jambes. Donc, le clergé et même la Ligue catholique féminine du Québec, pour être sûr de contrecarrer les plans de cette mode qui est envahissante, va proposer dans les grands magasins au Québec, à Montréal, à Québec comme à Trois-Rivières, des maillots de bain qui sont dits décents, c'est-à-dire des espèces de jupes-culottes qui cachent la majorité des hanches, les jambes, et ce qui fait que les femmes vont pouvoir aller se baigner le long du fleuve Saint-Laurent ou encore dans les lacs de manière décente pour que, justement, il n'y ait pas, comme on l'appelle à l'époque, le viol oculaire de l'homme concupiscent. Rien de moins. Donc, il fallait, ça prenait l'imprimatur de l'Église. Donc, il y avait une participation même des associations, des groupes catholique ou de l'Église dans l'approbation de ce qu'on pouvait porter. Oui, entendons-nous, parce que vous avez toujours la technique classique de dire « on est contre », mais ça ne sert à personne. Tandis que ce que l'Église va faire, c'est dire « on est contre, mais on vous propose un modèle qui, lui, est décent. » Plutôt que de se fermer complètement, on tâche de cadrer la balle qui s'en vient dans un sens pour l'amener vers un autre. Bon, ça va moyennement bien marcher, parce qu'entendons-nous, on est dans un modèle ultra dominant, qui est celui de la culture américaine, qui se voit de plus en plus dans des loisirs, dans des sports, dans une culture de masse qui se démocratise et qui est rendue accessible à tous. Pourquoi? Parce qu'on a des loisirs qui se développent pendant la fin de semaine, les soirées sont préférablement faites pour le loisir, et l'autre élément, ça va être bientôt les congés payés qui vont transformer les choses. Ah oui, j'ai vu ça, là. Mais qu'est-ce que ça vient faire, les congés payés, dans une histoire de bikini? Faites le rapport pour nous. Alors, c'est très simple, c'est qu'on se dit aujourd'hui, quand on va aller s'exposer, on va aller exposer son corps, ben, qu'est-ce qu'il nous faut? Ça nous prend du temps. Ben oui, le temps. Et à partir du début du 20e siècle, plusieurs luttes syndicales vont amener les travailleurs à réclamer des congés payés pour pouvoir avoir du loisir. En France, en 1936, 2 semaines de congés payés, les Parisiens, les Lyonnais, les Canois partent vers les stations balnéaires, la fameuse route nationale 7 que les Français connaissent. On la descend pour enfin arriver à la délivrance de la Côte d'Azur. Et ben là, on crée tout un ensemble de stations balnéaires qui privilégient justement le dénudement du corps et qui se donnent à voir. Parce qu'entendons-nous, aller à la plage, montrer son corps, c'est se montrer en spectacle. Et il y a toute une mise en scène de soi qui devient acceptable. Et tout ça est relayé dans les magazines. Et on dit aux femmes, dit surtout préparez-vous au mois de mai, parce qu'il y a un calendrier du bronzage. Surtout ne rentrez pas votre entrée sur la plage. Ça, c'est d'après un magazine en mai dans les années 1940. Donc, c'est vous dire si déjà il y a une esthétique du bronzage qui se développe. Et de plus en plus de femmes se disent, bien, écoutez, moi, j'ai pas envie d'être bronzée, comme on dit au Québec, en habitant, c'est-à-dire avec des marques blanches. Et quand vous mettez une robe de soirée, ben oui, quand vous mettez une robe de soirée avec des bretelles spaghettis extrêmement fines et on voit la marque du vêtement qui coupe au niveau du bicep, disons que ça fait un peu vulgaire et on veut éviter ça. C'est pour ça que tranquillement, on se dit, il faut se dénuder, il faut ouvrir vers quelque chose d'autre qui va donner le deux pièces. Maintenant, on va parler de l'origine de ces bouts de tissu, si vous voulez, mais d'abord, on va écouter un extrait de l'émission, c'est l'émission Aujourd'hui. Dans cet extrait-là, vous allez entendre Jacques M. Et lui, il se dit l'inventeur du bikini. Mais comment avez-vous eu l'idée, justement, de faire des costumes de plage? Parce que vous avez dit vous-même qu'on achetait plutôt, de préférence, ces costumes de bain, ces costumes de plage en boutique. C'est beaucoup meilleur. Oui, mais à ce moment-là, ça n'existait pas. À ce moment-là, la mode, j'ai commencé même avant la guerre. À ce moment-là, il y avait une séparation très nette entre la mode élégante, et puis la vie sur la plage ou sur le bateau. À la plage, une femme avait un costume de bain, généralement en tricot bleu marine ou noir, et puis elle se rentrait dans sa cabine ou sous sa tente, elle se changeait et elle mettait une robe de ville. J'ai créé tout cet ensemble, toute cette mode qui s'appelle la mode de plein air, la mode de plage, la mode de bateau, etc. Et quand j'ai créé le bikini, je n'ai rien créé du tout, j'ai simplement été inspiré par le geste que faisaient les jeunes femmes quand elles prennent leur bain de soleil à la plage. Elles roulent leur costume de bain le plus bas possible quand elles portent un deux pièces pour pouvoir prendre le plus de soleil possible. Alors je me suis dit, du moment qu'elles font ça, pourquoi est-ce qu'on ne leur préparerait pas un bikini tout prêt? Et puis, on a formalisé, dit-il, en quelque sorte, ce que les femmes faisaient déjà. Bon, alors, il dit, lui, c'est Jacques M., il se dit l'inventeur du bikini en 1932 ou dans ces années-là. Exactement. Non, est-ce que c'est vrai, ça tient la route? Bien, si ça lui fait plaisir de le croire, il peut, parce qu'entendons-nous, il y a souvent un ensemble de créateurs qui ont une idée au même moment. C'est pas neuf dans l'histoire, hein, mais il y en a souvent un qui crie plus fort que les autres. Pourquoi, par exemple, l'Amérique s'appelle Amérique et non pas Colomb? Parce qu'il y en a un qui criait plus fort que les autres pour être sûr que le nom soit Amérique. Mais revenons-en au bikini. Justement, Jacques Haim, en 1932, qui fait ce qu'il appelle son atome. Et justement, c'est un modèle qui est un deux pièces. Et je vous l'ai dit, ça existait déjà, les deux pièces. Et on trouve des fresques antiques où vous avez des baigneuses avec des maillots deux pièces, dans la Rome antique. Donc, qu'a-t-il fait? Bien, il a simplement standardiser un modèle qui existait. Mais attention, la grande différence, c'est que le nombril dont je vous parlais, le fameux nombril, il est couvert avec Jacques Haim. Et ça va prendre un autre homme en 1946, Louis Réard, qui lui aussi, dans son histoire, raconte, il dit, j'étais à Saint-Tropez et je voyais que les femmes, non seulement roulaient le bikini, ou plutôt roulaient le maillot, pardon, et voire même enlevaient le plus possible pour ne pas avoir de fameuses marques de bronzage. Vous le savez, quand vous allez à la plage, même les femmes qui portent des bikinis, enlèvent les bretelles pour être sûr que les épaules soient uniformément bronzées. Donc, il remarque la chose et il se dit, ça y est, je vais lancer mon modèle. Bon, on le sait maintenant, ça existait, le maillot deux pièces. Mais là où il est très intelligent, il va lancer le modèle dit 45 cm carrés. 45 cm carrés, pour vous donner une idée, c'est comme si on prenait le maillot de bain, on le pliait et il tient dans une boîte d'allumettes. C'est minuscule. Et là, il arrive avec ce maillot qui, on s'entend, est à la limite de la décence, à la limite de l'impudique. Et là, il propose au top modèle en disant, bon, ben voici ce que vous devez porter. Le tout est organisé à Paris, non loin d'une piscine. Et toutes les top modèles disent non. Nous refusons, nous ne porterons pas cette chose qui va nous considérer comme une femme publique associée à la prostituée. On refuse. Donc là, Louis Réard, pas fou, va au casino de Paris. Et il engage une effeuilleuse. Une effeuilleuse, comme vous le savez, c'est une stripteaseuse, comme on dit ici, du nom de Micheline Bernardini. Et Micheline Bernardini dit, oui, j'ai aucun problème à porter ce dit maillot. Je peux même vous en enlever plus, si vous voulez. Donc, elle arrive... Ça fait partie du job, ailleurs. Ah oui, et si vous allez sur Internet, vous allez voir, il y a des images animées. Oui. Donc, on voit carrément Micheline Bernardini qui se promène de manière tout à fait séante et décente avec le bikini qui va faire tourner toutes les têtes autour d'elle. Et c'est de là que naît le bikini. Mais pas encore le nom, parce que pourquoi est-ce qu'on a choisi le nom bikini? Oui. À quoi ça se réfère? Ben, il y a eu des essais nucléaires 5 jours avant le fameux lancement du maillot de bain. Et Louis Réard se dit, ça va avoir l'effet d'une bombe, donc je vais appeler mon maillot bikini. Donc, non seulement peut-être a-t-il réutilisé l'idée d'un autre, mais il a surtout le sens du marketing, Louis Réard. C'est peut-être pas étranger du fait que sa mère tenait une boutique de lingerie qui s'appelait les Folies Bergères. Donc, il savait ce qui allait marcher et il savait aussi qu'il fallait un nom punché et le bikini va s'imposer très vite dans le domaine du vêtement féminin. Mais c'est qui a choisi le nom de Atom pour sa marque de commerce, en quelque sorte? C'était Haim qui c'était avait fait Haim, ça? C'était Haim, oui. Atom. Et on se trouve donc quelques semaines ou à peu près au moment où on fait des essais nucléaires. Exactement. On n'est pas loin, en fait, de l'un comme de l'autre, du maillot de bain minuscule. Mais on est tous dans l'idée de, justement, le fait de moins voir le tissu pour être sûr que le corps se révèle. Mais il y a quand même là-dedans, dans ce que vous nous racontez, on sent une certaine légèreté, une frivolité, même à l'endroit des essais nucléaires. Je ne sais pas à quoi on pensait à l'époque, mais je vais vous faire écouter un extrait. C'est un extrait extraordinaire. C'est tiré d'un reportage des Actualités françaises sur le test nucléaire du 1er juillet 1946. Vous allez voir, c'est quelque chose. De l'aérodrome de Kwajalein va s'envoler dans quelques instants à bord de la super forteresse Dave's Dream, la quatrième bombe atomique. À distance respectueuse, suivent les avions d'observation bourrés de caméramen. Des centaines d'objectifs de tout calibre sont braqués sur Bikini. L'angoisse et la curiosité sont à bord. Dans quelques instants, ce sera la veuglante explosion. L'avion, porteur de mystère, est au-dessus de Bikini. La flotte cobaye est en vue. Non, mais c'est quelque chose. Hein, mais c'est quand même comme ça qu'on percevait les choses à l'époque. C'est quand même des essais nucléaires là, que ça se passait. Et c'était l'atoll Bikini. En Micronésie, c'était de là finalement que venait le nom Bikini. Exactement. Mais on n'est pas au bout de nos peines. Hein. Ceux qui pensent qu'on a atteint la limite de la pudeur, absolument pas. Bon, entendons-nous, le Vatican et plusieurs autres pays vont dire, écoutez, non, on refuse, on l'interdit. Êtes-vous sérieux, vous, là? Ah, bien, c'est pas étonnant, non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que certaines Françaises vont se dire à l'époque, bien, écoutez, c'est bien le bikini, mais a-t-on vraiment besoin du haut? Et non, pour certaines, on enlève le haut, on ne garde que la culotte. Et c'est le règne, à partir des années 60, du monokini. Là, c'est la fameuse affaire des seins nus. Été 1964, on est à Cannes, à Saint-Tropez, et là, la mode commence à se répandre un peu partout sur la Côte d'Azur, et là, les maires des villes balnéaires de Saint-Tropez, de Cannes ou de Nice vont faire des arrêtés préfectoraux pour empêcher les femmes d'enlever le haut en disant que c'est un outrage aux mœurs. On va même invectiver le gouvernement français en disant faut faire quelque chose. Ça devient une affaire d'État, ce que je vous disais au départ. Ah, et le ministre de l'Intérieur va intervenir pour dire la pratique relève de l'outrage public à la pudeur. Et il va dire que les femmes qui enlèvent le haut du bikini vont être poursuivies par la justice en disant qu'il y a une charge érotique que contiennent ces usages. Donc, on est véritablement encore dans les mêmes débats qu'on a vus à la fin des années 40. Simplement, c'est qu'on pousse encore plus loin la limite. Quand vous pensez que la limite est atteinte, non, c'est juste le début, ça va se poursuivre. On n'avait pas fini dans des coudes avec des bouts de tissu. Ah quoi. Oui, et même le Paris Match au début des années 70 va organiser toute une longue série de reportages où on va demander aux passants qu'est-ce que vous pensez de ça. Et j'ai pas pu m'empêcher de vous apporter une archive qui date de 1973, du 2 août. Le journaliste de Paris Match est sur une plage à Saint-Tropez et il apostrophe une femme de 36 ans qui est une mère de 3 enfants et il écrit à propos du monokini « Ces dépoitraillements publics sont malsains. J'ai tout de suite été voir la surveillante des plages pour me plaindre. On va à la plage pour se baigner en famille, pas pour voir des femmes nues, ni pour faire l'éducation sexuelle de ses enfants. Il y a des camps de naturistes, qu'ils restent entre eux. » Donc, on est vraiment dans tout un arsenal, une architecture qui est très cohérente, qui mélange l'éthique, qui mélange aussi la morale, qui, la décence, et tout ça donne une impression de perversité. Pour les gens qui défendent justement le fait de se vêtir, c'est la notion d'outrage aux mœurs, mais la notion de perversité. Et remarquez aussi la notion d'éducation sexuelle. On en parle encore aujourd'hui d'éduquer les jeunes. Et bien là, ce qu'on dit, non seulement c'est n'importe quoi, mais tout ce qu'on voit, c'est l'objet mammaire qui doit être le privé. Imaginez-vous, on n'est pas rendu à Internet. Mais puisque vous avez pris votre archive dans où donc? Dans Paris Match. Paris Match. Ben moi, j'ai quelque chose pour vous. C'est un micro-trottoir, on appelle ça chez nous aussi un vox pop. Ça s'est fait à Saint-Tropez. C'est pas étonnant. Hein? C'est sur le même thème du monokini. C'est sorti du journal télévisé de l'ORTF le 27 août 1970. Écoutez ça. Montrer votre poitrine, ça ne vous gêne pas? Absolument pas. Est-ce que ça gêne les autres, à votre avis? Je pense pas. Est-ce que vous avez l'impression d'être indécente? Pas du tout. Non, l'indécent, je trouve qu'il est indécent de se promener dans Saint-Tropez en maillot de bain, en ville. Mais sur les plages, on peut être même tout nu. C'est pas gênant du tout. Voyez, j'ai ma fille, moi, qui a 10 ans, qui m'a dit « Maman, tu veux pas te mettre comme ça ?» Alors. C'est pourtant naturel, non? Ben, peut-être. Ben, c'est naturel qu'on fasse des plages privées spécialement pour ça, d'accord, mais alors... Lorsque vous apercevez un képi à l'horizon, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, à ce moment-là, nous nous retournons, nous nous mettons sur le ventre. Ben, moi, le monokini, quand les femmes ont une belle poitrine et qu'elles sont belles, ça ne me déplaît pas. Mais autrement, elles peuvent les laisser de côté. C'est ça, voilà. C'est tout un archive que celui-là. Non, Vox Pop, Saint-Tropez, il faut dire qu'on se trouve aux alentours de 1968. Écoutez, c'est difficile pour moi de passer à ça. 1968, c'est la révolution tranquille. Qui disait que 69, année érotique. Donc, on est véritablement dans tout ce grand mouvement de la révolution tranquille au Québec, bien sûr, de la libération sexuelle, de tout ce qui fait que le monde change et on a une contre-culture qui prend le dessus, une nouvelle génération qui entend refonder des nouvelles bases complète. Mais on n'est pas au bout de nos peines avec le bikini, loin de là. Aujourd'hui, on pense que le bikini fait encore l'objet de nombreux débats. Eh bien, oui et non, dans la mesure où est-ce que le bikini représente une forme de libéralisation du corps? Oui et non, parce que toutes les femmes doivent s'astreindre à porter la chose et celles qui ne le font pas doivent se justifier. Et il y a toujours la hantise du corps d'été. Est-ce qu'au mois d'avril, au mois de mai, les femmes seront prêtes à porter un bikini, à porter un maillot de bain qui va révéler? Et là, c'est toute une angoisse qui est partagée par plusieurs, qui est bien sûr disséminée dans les magazines féminins, aujourd'hui sur Internet, des forums de discussion. Donc, le bikini crée encore des problèmes et le fait d'exposer son corps. On n'en a pas fini avec la pudeur. Non, puis écoutez, c'est délicat, là, vous me direz comme sujet, mais comment voulez-vous passer à côté? Parce que là, on est en train de parler du bikini, on se dit, il y a 70 ans, 60 ans, 50 ans encore, ça faisait scandale. Alors qu'aujourd'hui, on a vu, là encore tout récemment, c'est le burkini qui maintenant nous indispose ou qui fait réagir. Et quelle était la différence? Ben, il y en a eu, il s'agissait de faire disparaître des bouts de tissu. Dans ce cas-ci, il s'agit de tout recouvrir le plus tôt possible. Quand même un paradoxe là, dans ces 70 ans. Il y a un magnifique paradoxe dans la mesure où ça a été une lutte, le bikini. La lutte de vouloir montrer aux gens que chaque femme est libre de son corps et que cette lutte a été faite sur plusieurs années et que dorénavant, on n'a plus à juger. L'État n'a plus à juger, mais le regard concupiscent des hommes n'a pas à juger. Mais qu'en est-il maintenant de celles qui veulent se voiler, empêcher? Pour certains, c'est la théorie classique de dire « si vous ne voulez pas être libre, on va vous forcer à être libre ». Et pour nous, la décence vestimentaire, c'est justement de ne pas avoir de vêtements. Donc, ce qui est drôle, c'est que la logique qui a présidé au fait de libéraliser le corps pour permettre aux femmes de se dénuder est maintenant renversée vers les femmes qui, elles, au contraire, veulent porter un voile pour aller se baigner et profiter des plaisirs de la mer, profiter des plaisirs du soleil, du moins les parties qui sont exposées. Je le disais tantôt à nos auditeurs, c'est un sujet fascinant. Et le bikini, c'est terriblement révélateur. Laurent Turcot, merci infiniment d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Merci. Et puis, je voudrais remercier l'équipe ici, Caroline Morin à la recherche avec André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Sur le site Internet, c'est Mathieu Arsenault. Technicien, Martin Vaillancourt. À la réalisation que je salue, Mathieu Beauchamp. Merci d'avoir été avec nous. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son